Chapitre 90. Écoutez attentivement les discours ne comportant pas de paroles illicites. Et la recommandation pour le savant ou celui qui donne un prêche d'imposer le silence à son assistance. 698. Jarir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit lors du pèlerinage d'adieu, « Fais taire les gens ». Puis il dit, « Ne redevenez pas après ma mort des mécréants, les uns versant le sang des autres. » Al-Bukhari et Muslim.